Bienvenue, mon nom est Jivan Talbot et aujourd'hui je vais vous guider dans différentes méditations ayurvédiques, une qui sera pour Vata, l'autre pour Pitta et la dernière pour Kapha. Et l'audio se terminera avec un Yoga Nidra qui est un exercice de détente profonde où on peut reprogrammer notre subconscient à nous supporter dans nos projets et dans une vie plus équilibrée. Donc, nous allons commencer avec la première méditation, qui est une méditation pour pacifier Vata. Nous allons commencer maintenant.